connaître pour survivre, enchaîné à l'ennui. Il était seul, il s'en foutait, exploitait, exploitait. L'ennui, la mer est finie. Et je savais, et je savais qu'un jour les rats ouvraient sa vie. Et je savais qu'un jour